Moteur, moteur. C'est beau, une ville qui dort. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Parce qu'on vit la nuit. On peut faire des films avec n'importe quoi, hein. Ils ont transformé mon scénario en film pornographique. Moteur! Allons-y! Moteur! Oh putain, moteur! Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans l'intermi Fit le Crible. Bonjour! Bonjour. Ah, j'ai fait un signe de chorale. C'est Nagui, à mes yeux. Je suis d'oublier pas les paroles, c'est moi. Bon, et bienvenue dans cet épisode qui sera consacré aux comédies musicales. J'ai avec moi, parce que la dernière fois je les ai pas présentés, j'ai complètement oublié, mais on va vite faire les présenter. C'est une honte à mon avis. Je vais finir par toi d'ailleurs. D'accord. Vas-y Nicolas, t'es qui en fait? Bonjour. Du coup, moi c'est le deuxième podcast que je fais. Oui. Et voilà. Ok, je suis ravi d'être là. Merci Nicolas. Lucie, c'est la première fois qu'on te reçoit ici. Oui, c'est la première fois. Et moi, j'aime beaucoup les séries. Donc, je parle beaucoup de séries sur Instagram, mais j'aime beaucoup les films aussi. Et j'ai très hâte de parler des comédies musicales. Ok, ok. Bah, écoute, pas moi, mais je suis un peu obligé. Non, c'est pareil. Et alors, un invité particulier, c'est pas au crible. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais qui suis-je? C'est le, comme tu disais, le. Je suis le père biologique du podcast. Exactement. Théophile, présente-toi très vite fait pour les gens qui ne te connaissent pas. Théophile, j'ai créé Intérieur Nuit. Avec tout moi. Seul, non, dans tout seul. Ok, tout seul. J'aurais écrit l'histoire. Non, oui. Et je suis à la recherche d'une alternance en design graphique. Si jamais vous êtes patron annonce. D'une entreprise. Si vous avez besoin, il est là. Il dessine, ça va. Pas bien, mais ça va. Ça peut passer. Et voilà. Ma typo préférée est la Helvetica. Mais tu serais pas genre tous les graphistes sur Instagram? Oui. Et bah moi c'est Antonin, mais bon c'est le 7ème épisode, vous commencez à me connaître. On est réunis pour parler des comédies musicales. On va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que à partir de maintenant j'ai demandé à nos invités de parler d'un seul film à chaque fois. Et donc on va commencer par, vas-y, Lucie, parle-nous de la comédie musicale qui t'a inspiré quand je t'ai dit on fait comédie musicale. Alors je vais parler de West Side Story, et pas la version de 2021 de Spielberg, mais la version de 1961. Même si je préfère celle de Spielberg. Même si je préfère celle de Spielberg. Ouh, attention, hot take. Tu préfères celle de Spielberg à l'original? Oui. Ah oui, moi aussi. Mais je trouve que l'original, c'est quand même... J'ai pas vu les deux. Moi non plus. C'est juste que c'est sacré un peu. Quand t'as dit hot take, je me suis fait, oh là, c'est osé. Bah oui. Mais du coup... C'est un peu celle qui pose les bases de la comédie musicale. Elle est clairement reprise partout. Et c'est un classique de Broadway et aussi là. Et en fait, c'est l'histoire du coup des Jets qui sont contre les Sharks dans le New York des années 60. On suit le personnage de Maria, qui est une jeune portoricaine, et son frère plus aîné, qui est le grand patron de son groupe, de son clan, et Maria va tomber amoureuse d'un beau New-Yorkais qui n'est pas portoricain. Et c'est là le problème, exactement. C'est vraiment EGS, finalement. C'est ça. C'est vraiment EGS. Mais la base du film, c'est un peu ça, tout finalement. Ah oui, mais... Complètement. Hein. La base du film, c'est ça, finalement, puisqu'après, par la suite, ça va être leur histoire qui va pas durer plus de 24 heures, finalement, quand on regarde. Oh. Mais l'amour est bien présent, comme ils nous le font comprendre. Et on va suivre toutes les péripéties des deux clans, avec quelques meurtres sans spoiler, mais aussi... Pas dis donc. Mais aussi justement leur histoire d'amour qui va grandir avec toutes ces belles chansons tout au long du film. Et c'est vraiment pour moi le classique de la comédie musicale. On retrouve tous les clichés. Qu'on s'efforcera de nommer dans la prochaine minute. Bah écoute, merci. Un classique, c'est un truc, je crois qu'on l'a étudié à un moment à la licence, quand j'ai fait une licence d'audiovisuel, mais d'art de spectacle, et je ne l'ai pas vu en entier, mais tout le monde disait que c'est la comédie musicale. 10 Oscars quand même. Ouais, bon, ça va. Un peu exagéré. Un pour la version de Spielberg. Oui, c'est ça. Malheureusement. Un pour la version de Spielberg. Ah oui, mais en même temps. Qui en aurait mérité plus quand même. Plus que 10? Non, la version de Spielberg, okay. On aurait été plus qu'un quand même. Après, peut-être que c'était une année de merde aussi niveau cinéma quand c'est sorti. Non, en 1961. Je sais pas. Franchement, j'ai pas d'avis. Je connais pas. D'après ce que j'avais vu à l'époque, c'était quand même une bonne année. Je me rappelle. Ouais. Je m'en rappelle. Franchement, être en glorieuse, enfin voilà. Vas-y Nicolas, fais-moi plaisir. Moi du coup, je vais parler de La La Land, qui est aussi du coup une comédie musicale avec beaucoup de clichés. Ok. Du coup, pour faire simple, c'est une histoire d'amour entre Seb et Mia. Ils se rencontrent sur l'autoroute et on va dire depuis ce jour-là, leurs destins seront liés. Ils vont vraiment se croiser toujours dans des situations improbables. Mm-hmm. Pour faire simple. Tous les chaînes de restaurants de fast-food. Pour faire simple, du coup, Seb est un pianiste qui rêve d'ouvrir son propre club de jazz. Et Mia est une comédienne qui rêve de devenir actrice. Mmh. Et donc du coup, c'est pendant tout le film, on va dire, on va suivre leur histoire, leur rencontre, leur amour et aussi leur rêve finalement, genre comment ils vont aller vers leur rêve, est-ce qu'ils vont les réussir ou pas. Et voilà, c'est un film du coup avec du coup tous les clichés du genre qu'on nommera après. Bien du sûr. Coup, donc je vais m'arrêter là finalement. Non mais tu peux. C'est un film vraiment incroyable avec vraiment une colorimétrie. Une mise en scène. C'est bleu, non? Ouais, okay. C'est bleu, c'est bleu. C'est le terme technique. C'est bleu, non, il y a des couleurs un peu pastel aussi. Et oh, non, c'est beau, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la construction du coup sur un an. Donc du coup, printemps-été, enfin ça commence à l'été, je crois, ça se termine du coup saisons, à l'été, l'été d'après. Comme Vivaldi finalement. C'est ça, finalement. Ou les pizzas. Oui. Je crois. Ouais, avec de l'artichaut. Ouais. Pizza à l'artichaut. C'est... Et je sais pas quoi dire d'autre. Voilà, c'est un film trop bien. Si vous l'avez pas vu, ça a gagné des Oscars. J'étais censé le voir il y a pas longtemps et finalement j'ai pas eu la foi. Puis il y a Emma Stone. Voilà, c'est juste Emma Stone. C'est le tweet. C'est Emma Stone. Et Ryan Reynolds aussi, non? Ça? Non, Ryan Gosling. Ouais, c'est les mêmes. Mais je préférais Emma Stone dans le rôle. Ouais. Oui, bah elle me dit c'est pour ça qu'elle a eu l'Oscar aussi. Oui, mais. J'aurais bien aimé l'inversion des rôles, mais. Ouais. Ça aurait été fun à voir. C'est vrai. Bah écoute, Théophile. Oui, alors moi j'ai pas du tout compris l'exercice, hein, puisque je vais parler d'un film qui ne. Non, mais non, qui n'est pas du tout dans les codes. Choisissez une comédie musicale, tu choisis le film que tu veux. Moi je vais parler de Dancer in the Dark. C'est nul. Qui est nul. Je ne l'ai pas vu. En fait, c'est tellement. C'est du Lars von Trier, donc qu'est-ce que je regarderais ce film? C'est tellement pas. Oui. Bon. La première réaction que j'ai eue quand il m'a dit je vais enfin pouvoir parler de Dancer in the Dark, j'ai dit ah oui, le film qui a pas été où il y a peu de J-pop. Parce que c'est quand même assez particulier. C'est voilà, c'est au sortir du dogme, c'est, l'image est particulière, mais c'est pas tant ça qui est intéressant dans ce film. Mais non. En fait, c'est tellement pas dans les codes que sur Wikipédia, c'est même pas une comédie musicale, c'est un film musical. Ouais, ouais. Ah ouais. Mais j'ai vu une scène quand j'ai étudié ça au lycée en musique. C'était la scène dans l'usine où elle danse. Mm-hmm. Ouais. Et j'ai trouvé ça super bizarre, mais d'un côté assez intriguant. Donc je pense que je vais, enfin, je voulais la voir, mais c'est juste que c'est introuvable nulle part parce que même d'un point de vue musical, en fait, même d'un point de vue musical, comme c'est des musiques de Björk, c'est l'espèce de Non mais c'est de l'opéra rock. Non mais je connais, c'est marrant. Pourquoi? Bah c'est parce que tout dans ce film est fait pour te dire vraiment ça va pas être fun, tu vois, genre. Ah mais c'est pas fun, hein, c'est vraiment pas fun. Ouais, bah, c'est pour ça qu'ils ont enlevé le comédie. Ils ont vraiment enlevé le comédie. Mais c'est comédie dramatique musicale. Mais c'est même pas une comédie dramatique, c'est vraiment un drame musical. Bah comme oui, bah il y en a aussi des drames musicaux. Ça se fait de plus en plus. Bah oui. Ouais, les Disney quoi. Non, même Annette par exemple l'année dernière, c'était un drame. Pour le coup, c'est vraiment pas drôle quoi. J'ai pas vu Annette. Bah, j'ai pas vu, mais j'imagine. Connaissant Léo Scarax, j'imagine mal faire. Ah oui, non, mais oui, c'est vraiment un drame musical qui parle genre des violences conjugales. Enfin, fallait le faire. Et bon, on parlera de ce qu'on veut. De toute façon, il n'y a pas Alex et Lauriane, donc je peux dire ce que je veux. Tu peux dire le nom. Mais oui, non, mais pour le coup, c'est vraiment un drame très. Enfin, un drame quasiment entièrement musical, c'est quasiment que chanté. Et ça parle vraiment des violences conjugales, ça parle du pouvoir. Enfin, c'est. Bah, après. Là, tu me décris ce film. Pour moi, c'est une horreur parce que un film entièrement chanté, moi, ça me. Franchement. Déjà qu'il y a une chanson dans les Disney, je gerbe. Non, franchement, pourtant, ça me faisait peur. Mais comme une chanson, c'est pas une chanson qui reste dans la tête et qu'elles ont vraiment genre leur âme chacune. Bah, ça va, tu vois. D'accord. Tu m'as pas convaincu, mais non, mais en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il en faut. Mais du coup, Dancer in the Dark. Ouais, parce qu'à la base. Oui, désolé. Et donc, je parlais de Björk, je disais que la musique était particulière parce que c'est une espèce de musique expérimentale un peu pop. Mm. Donc, la scène la plus connue, c'est la scène dans l'usine, donc c'est qui est avec toute une musique faite à base de sons de machines et comme ça. Et donc voilà, en fait, il y a tout ce propos dans le film hyper politique, hyper anti-américain et lutte des classes. Oui. Qui passe à travers ce drame. Donc ça raconte l'histoire d'une femme, une immigrée tchécoslovaque qui arrive aux États-Unis et qui a une maladie. En fait, je sais pas jusqu'à quel point je peux raconter sans trop spoiler. Spoil pas trop, mais tu peux dire un petit peu des petits, voilà. Qui a une maladie. Qui peut pas s'arrêter de chanter. Et qui, voilà, elle trouve son refuge en fait dans les comédies musicales. Elle pratique ça et il va se passer des choses dans sa vie vraiment pas cool. C'est-à-dire en plus de sa condition d'ouvrière femme aux États-Unis immigrée. Tu rajoutes bien des choses bien horribles et finalement. Ouais. Et tu finis bien en chialant. C'est Björk en plus dans l'actrice principale. C'est Björk, ouais, l'actrice principale. Oui, elle chante pour chanson. D'ailleurs, elle a eu le prix d'interprétation à Cannes la même année. Okay. Et puis... En plus de la Palme d'Or, ce film. Non, mais attention. Ah oui, c'est un film à Palme d'Or. C'est pour ça que je me disais. J'ai rien contre les Palmes d'Or, mais. Un petit peu quand même. C'est un peu voilà. Ça dépend lesquels. On avait fait un épisode spécial. On avait eu l'idée de faire un épisode. Non, on l'a pas fait. Moi, franchement, j'aime bien les Palmes d'Or en général. Ça dépend lesquels. Je les vois pas. Donc ça dépend lesquels. Genre, y en a qui me. Voilà. Genre The Square. J'adore The Square. On en a trouvé ça horrible comme film. C'est incompréhensible. Moi, j'adore. C'est horrible. Non, mais c'est parce que ça te fait ressentir des choses horribles. Moi, juste pour la scène dans la voiture où ils écoutent Genesis de Justice. Oui, certes. Ce film n'a aucun sens. Si. Ah bah si, il a du sens. Jusqu'où il faut aller pour choquer, etc. Il y a un énorme propos sur justement le monde de l'art contemporain et cette volonté en fait qui finit par toucher aussi un peu à ce que fait Lars von Trier parfois. Oui, mais jusqu'à quel point en fait tu peux aller dans l'art, jusqu'où tu peux aller en fait. Du coup c'est de l'art et jusqu'où après. À quel point ça s'arrête en fait. Voilà. Quelle est la frontière? Il faudrait que je le revoie, mais c'est juste que j'ai vraiment gardé un mauvais souvenir du film. Je l'ai vu, mais qu'après j'ai trouvé, c'est vrai que j'avais pas, je pense, le même recul d'un point de vue cinématographique. Parce que moi, mais j'ai détesté, et après j'en ai parlé avec mon père avec qui je l'ai vu, et il m'a fait rendre compte des trucs. J'étais en mode ah ouais, en fait c'est vrai. Après, à revoir, mais je sais qu'il a sorti un nouveau film cette année, donc peut-être que ça me du coup penchera pour aller revoir aussi The Square en même temps. Ouais, c'est la suite, ça s'appelle The Circle. Non, non. Si, je crois que ça s'appelle The Circle of Sadness. Voilà. Je suis presque sûr, ou un truc comme ça. Le cercle de tristesse. Après, The Triangle. The Happiness. The Polygons. The Polygons. The Polygons, qui pourrait être le nom d'un groupe de pop expérimental. Qui existe. C'est sûr que ça existe. En vrai, ça n'existe pas. Je veux qu'on fasse un tube là maintenant qu'on dépose à l'assassin. The Polygons. Eh bien, en parlant de Polygons, non, pas rien à voir. Alors, dans ces films qu'on a décortiqués très rapidement, on a dit il y a plein de clichés dans West Side Story et La La Land. Mais également l'inverse de ces clichés, donc ça va nous permettre de faire un petit contraste. On adore les contrastes aussi. Bah oui. Je sais pas, Nicolas, vas-y, dis-moi les clichés qu'il y a dans La La Land. Moi j'en vois plein. Pour le coup, oui, c'est vraiment un film à beaucoup. Comme ça se tourne avec beaucoup de clichés, donc c'est généralement du coup des histoires d'amour. Ouais. Tout le temps. Toujours des histoires d'amour. Et bon, là, pas dans La La Land, mais du coup, dans West Side Story, par exemple, ou même dans d'autres trucs. Pas de spoil, dans d'autres comédies musicales, c'est genre des trios amoureux, généralement, avec un amour un peu impossible. Dans La La Land aussi, t'as un amour impossible. Hein. Oui, mais c'est pas un trio. Genre, y a pas de troisième personne. Alors, tu vois, dans West Side Story, y a vraiment une personne entre leur chemin, même dans Les Demoiselles de Rochefort, dans La La Land, en fait, c'est leur rêve et l'envie de poursuivre leur carrière. Et c'est aussi, je pense, aussi un des clichés, je pense. Oui. C'est un rêve, c'est toujours l'aboutissement vers le rêve. Ils ont toujours un goal un peu suprême qui vont aboutir. Et c'est une trame un peu de fond du film. C'est un rêve artistique en plus. C'est ça. Donc, West Side Story, pour le coup, leur rêve, c'est un peu d'être ensemble, finalement. D'être libre pour certains. C'est ça, d'être libre. Et ouais, dans La La Land, du coup, c'est d'être artiste. Mais après, bon, dans deux comédies musicales, c'est d'autres rêves, mais il y a toujours un rêve du coup. dans cette histoire d'amour. Bah, dans West Side Story, oui, c'est clairement l'histoire d'amour qui est le plus gros cliché, je dirais. On a quand même Maria qui est un personnage qui peut vite être insupportable puisque pendant 2h30, elle chante et pleure son amour. Ça mourit-il déjà. Voilà. Mais après, il y a des personnages très intéressants comme le personnage d'Anita qui, au contraire, dans les années 60, se rebelle. J'ai failli spoiler après, mais après un événement important devient de plus en plus important. Surtout la version de 2021, je pense, c'est beaucoup plus représentative des droits de la femme. Que 161, c'était un peu voilà. Alors qu'en 2021, c'est vraiment très. C'est un peu heureusement. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a une scène. C'est encore plus régressiste. Il y a une scène à la fin de la version de 2021 qui est encore plus marquante pour justement cette rébellion envers la société, quoi. Mais la même scène est dans la version de 1961, mais est beaucoup plus atténuée. Et justement, dans la version de 2021, on voit que c'est plus politique. Et j'ai l'impression que toutes les comédies musicales cherchent à être de plus en plus politiques. Enfin là, dans la version 2021, Spielberg, dès le début, il l'impose. Pas politique, mais je dirais moderne. Oui. C'est-à-dire, par exemple... Engagé. Ouais, par exemple, Chantons sous la pluie, c'était un peu sur ce truc de faire des films parlants, mais vraiment de compter sur les talents des acteurs et pas sur leur beauté. Oui. Et voilà, finalement. J'ai fini la phrase, tout le monde me regarde, j'ai fini la phrase. Bah, mais t'es en train de parler de... Oui. Bah, je sais pas, Théophile, vas-y, contrebalance. Alors, les clichés, les clichés de Dancer in the Dark, par exemple, l'image est vraiment sale. Pas bleu et ni pastel. Mais voilà, plutôt marron. Ouais. Les zizines, le cacadois. Voilà. Ça me voit comme. Non, mais je peux pas parler de clichés, enfin, c'est compliqué. Du coup, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour. Après, c'est peut-être un de... personnage féminin. C'est peut-être qu'est-ce du coup ça, le. Un cliché, finalement. Oui, bah oui, grave. La féminité. En fait, la vision de Lars von Trier des comédies musicales est très négative. Ah bah. Mais sinon, après, en termes de comédies musicales, on peut en citer pêle-mêle, genre Grease. Mais du coup, j'avais pas fini ce que j'avais dit. Ah bah non, mais. Ce que j'allais dire. Non, mais j'avais pas fini. Je disais, parce que j'allais dire la vision de Lars von Trier, et on m'a coupé en disant la vision des femmes, mais j'allais pas dire la vision des femmes. J'allais dire la vision des arts plutôt populaires. Donc, il a une vision de l'animation, pareil, qui est très négative, et comme du coup des comédies musicales. Et c'est pour ça que c'est une comédie musicale vraiment qui va à l'encontre de tous les codes. Mais du coup, qu'est-ce que. Mais du coup, ça n'a aucun sens de parler de ça dans ce podcast. Mais si, justement. Rien que le fait que Lars von Trier fasse un film musical, du coup, pas une comédie, rien que ça, c'est presque contraire. C'est comme l'Oscar avec Annex, finalement. C'est ça. C'est pas du tout le cinéma qu'ils font d'habitude. Et finalement, et c'est. Ils tentent dans un cinéma qu'ils connaissent. Qui rentre pourtant dans leur code, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, s'il a fait l'inverse, ça veut dire qu'il a isolé lui-même des clichés. Non, mais. Il a là, pas voulu coup, rentrer dans les clichés. Voilà, et il est pas rentré dans les. Pour moi, en fait, c'est plus plus un film qui parle de comédie musicale. Non, mais si je chante sous la pluie ou ça parle de cinéma, etc. Ça parle de cinéma, ouais. Ça parle de cinéma, mais même dans tout, finalement, en fait, c'est toujours un peu des trucs sur l'art, en fait. Bah, je sais pas trop, parce que j'en ai pas vu beaucoup général. Des comédies musicales de par mon. Mon aversion. Désintérêt pour la musique. Tu détestes la musique. Mon vomi dès que j'entends une musique de chanter dans un film. Non, c'est pas, j'exagère, mais j'ai vraiment du mal. Enfin, dans la vraie vie, t'adores. Dès que... La musique. Dès que les gens commencent à parler en chantant. Oh putain, je tombe amoureux direct. En fait. Non, je tape, bien sûr. Non, mais. La masculinité toxique. Évidemment. Des films comme, je sais pas, Les Demoiselles de Roche. Les Parapluies de Cherbourg. Oui. Tous les. Ouais. Après, oui, j'ai des trucs d'une ville française. Oui, c'est ça. Tour de France. La Tour Eiffel de Paris. Grease, par exemple, je l'ai vu hyper jeune, ça m'a. Aucun intérêt pour moi. Tu vois, je sais pas. Et ça reprend tous les. L'histoire d'amour, l'obstacle, la femme. Non, bien sûr, mais je pense que justement, parce que. Après, Grease est sorti dans les années 70, où c'était vraiment aussi cet essor post, on va dire. Enfin, les comédies musicales, c'est années 50-60. Oui. Du coup, on va dire, après, genre, il y a tout qui a recopié finalement après, et chacun a essayé de le remettre un peu à la sauce moderne, bon, même si Grease. C'est un peu. Moi, on peut dire ce qu'on veut de Grease. Il y a tellement de problèmes dans ce film-là. Je l'adore. C'est un film qui pose des problèmes. Voilà. Il y a des problèmes, ils sont stylés quand même, ça va. C'est bon. Maintenant, ça choque plus. Enfin, de toute façon, maintenant, de voir des ados de 30 ans qui jouent des mecs. Oui, c'est ça. Bah, Netflix, on a fait une spécialité. Hein, oui, bah. Non, mais on est quand même sur des films, généralement, à part ton film dépressif là, des films sur un ton léger, ouais, où ouais. Le romantisme, où les histoires d'amour sont quand même au centre du truc. Et, c'est ça on qui a fait que les gens vont le voir, c'est que finalement ils savent à quoi s'attendre, mais il y a toujours quelque chose d'original parce que c'est pas. C'est toujours présenté d'un point de vue différent. C'est plus le décor en fait. C'est, ouais, c'est ça. C'est, tu revois, tu vois toujours la même histoire. Les mises en scène aussi sont très. Bah, les lip dubs. Ouais. Dans la vraie vie, c'est vraiment le principe que c'est un spectacle, en fait. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment un spectacle. Et je pense que c'est ça que j'ai beaucoup aimé de Annette. Oui, je comme ça, si jamais Alex et Lauriane écoutent le podcast, en même temps, je fais caser, voilà. Mais c'est vrai que dans Annette, justement, c'est ils ont vraiment ce parti pris de le réalisateur au début, c'est lui qui ouvre le film en disant, genre, du coup, Stomae, we start. Et justement, après, t'as tout ce truc de genre, les comédiens, comme dans Scenes from a Marriage, puisqu'on en parlait là dans l'ascenseur, c'est vraiment ce truc de genre, les acteurs assument le côté théâtral et ils vont vraiment, c'est pas des huis clos, mais c'est vraiment genre ça se passe dans des lieux bien précis, ça se passe que là. Le décor, c'est vraiment des décors, donc on voit vraiment que c'est des effets spéciaux, enfin on comprend que c'est genre des écrans LED ou genre j'en sais rien. Okay. Et ouais, enfin. En fait, on nous fait rentrer dans l'univers. On dirait vraiment comme si on était vraiment spectateur sur une scène et on voyait le lac devant nous, quoi. Genre, il n'y a pas de. Bon, au final, fait du théâtre, mais. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Mais donc, du coup, il y a vraiment des gens qui savent le faire. Et là, je pense que c'est vrai que Annette, c'est un peu un aboutissement du coup des comédies musicales, je pense, de ce point de vue-là. Parce que bah, c'est vraiment. Comparé à Jacques Demy, qui veut un peu nous faire croire que c'est une réalité de justement, danser avec des beaux petits chapeaux. C'est ça qui me. Que j'aime pas du tout dans ces films-là, c'est d'un coup d'un seul, ton personnage commence à chanter ses sentiments. Ah oui. Et là, si tu sais pas le faire autrement que ton personnage qui dit « Je ressens ça !» Bah merci le téléphone, je sais même pas qui c'est. « Je ressens ça à l'heure actuelle et voici comment je vais agir. Ouais. » Ça fait vraiment faiblesse de scénario. Non, quand dans une rue on passe et que chaque personnage se met à chanter au coin de la rue, c'est... mais c'est vraiment un style à part et je pense que soit on aime toutes les comédies musicales, soit on n'en aime aucune. Enfin... Non, je suis pas d'accord. Apparemment, Annette n'a pas fait le. Non, mais je suis dans le sens où, genre, soit on aime vraiment ce parti pris là. Oui. Ou soit. Après, non, Annette, pour le coup, je peux comprendre parce que c'est vraiment, du coup, un drame musical. Mmh. Et c'est, pour le coup, quand on regarde le making-of, quand on regarde les coulisses, c'est vraiment. Ils ont chanté, c'est pas. Ils ont vraiment chanté. Quand ils ont enregistré les prises, il n'y a pas de redoublage derrière. Ouais, ils ont vraiment chanté. Donc, du coup, forcément, à un moment, il y a une scène. Marie-Cotière chante ? Ouais. Bah, elle avait déjà chanté dans la Môme. Elle avait fait du lipstick, mais elle avait pris des cours de chant. Du lipstick. Ah, je suis tombé. Et ouais, donc c'est pour ça que c'est très déstabilisant parce que forcément il y a une scène de sexe et du coup ils sont en train de chanter en même temps. C'est génial, mais c'est très, très. Du coup, c'est vrai que c'est super bizarre. J'ai envie de le voir. Et je peux comprendre que c'est trop bizarre. Mais de ce qu'on m'en raconte, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est vrai que ils ont vraiment chanté dans le truc et là où à la base c'est doublé, enfin soit ils enregistrent avant, soit ils enregistrent après et ils chantent par dessus. On dirait un peu une anecdote VDM des années 2000. Ouais, voilà. Je suis en train de baiser et puis le mec il s'est mis à chanter. C'est tout à fait ça. Léo Scarac finalement peut-être. Léo Scarac, c'est VDM. Je pense que. C'est une autobiographie en fait. Je pense que vu la gueule du type. Putain, l'angoisse de la prestation. Je suis désolé. Non, mais c'est peut-être bien. Hein. Moi, je le fais, il n'y a aucun souci. Après, je baisse pas, mais bon. Bon, voilà. Je chante au moins. du coup, sur ces belles paroles, oui. On a isolé quelques trucs. Adaptation. Le ton. Je rajoute. Ah oui, c'est souvent adapté d'un scénario préoriginal. C'est souvent adapté, ouais. Ah non, il y a des trucs originaux. Oui, non, mais. Les demi, c'est des trucs originaux, non ? Ouais. Oui, ça dépend pas tous, hein, ta peau d'âne. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais putain, Podane, enfer, à voir. Bon, ça va, je pense que t'exagères un peu. Grave, non, Podane. J'exagère de ouf. C'est un peu too much quand même, Podane. Ah, mais. Oui, non, mais j'ai juste le nom, genre Podane, tu vois. Ouais, mais ça, c'est pas ta faute. Ça, c'est pas le. Il a dit, bon, je vais pas. Voilà. Pas changer le titre. Catherine. juste Po. Mais du coup, en comédie musicale, il y a aussi. Juste une transition, peut-être qu'ils avaient prévu. Mais il y a les biopics musicaux. Est-ce qu'on en parle ou pas ? Est-ce qu'on en parle ? On dirait vraiment le début d'une chronique sur France Inter. On en parle ou pas ? La différence entre les hommes et les femmes, on en parle ou quoi ? Parce que ça rentre dans les comédies musicales, mais. Il y a quoi comme. Rocketman. Rocketman, Judy, Bohemian Rhapsody. Ouais, oui. C'est des comédies musicales, mais. Ouais, mais. Parce que Ouais, c'est vrai. Parce que pose Nicole. C'est quoi Rocketman en fait? Moi j'ai pas. C'est la vie d'Elton John. Elton John. Ah ouais. C'est Elton John, l'acteur hyper connu qui a joué dans. Putain, comment il s'appelle Taron Egerton. Non, le, putain, ma blague elle tombe à l'eau. Elton John qui a joué dans. Non, le Golden Circle là. Kingsman. Kingsman 2, voilà, il a un rôle phare. Bah merci, du coup, je vais refaire la blague. J'ai la coupé au montage. Ils sont incroyables. Tu sais, Elton John, je suis très très plus intéressé par Elton John en général. Ah bah ouais. Moi aussi, mais je suis triste alors. Mais il a un très grand rôle dans ce film, c'est pas. Il est très bien. Non, Rocketman, oui, je l'ai pas vu non plus. Est-ce que ça étonne quelqu'un aussi? Bah oui. Non. Bah, non, mais le film. N'importe est... quel film. Quoi? Désolé. Arrive, ouais. Le film est quand même très bien construit, même si ça du coup, comme Bohemian Rhapsody ou autre. C'est des biopics finalement. C'est ça, c'est des biopics et on rajoute les musiques. Mais vraiment, dans Rocketman, les musiques font partie de l'histoire. Mmh. C'est pas juste, oui. On est sur scène et hop, il se met à chanter. C'est vraiment une partie de son histoire qui est racontée en musique avec ses propres musiques. Mmh. Donc, d'accord. C'est quand même intéressant. Bah, c'est, du coup, c'est un peu le principe de la comédie musicale. Ouais. C'est Bohemian Rhapsody, en fait, c'est les comédies musicales. Je valide. Moi, j'ai validé comédie musicale, c'est bon. Si on isole vraiment les tropes et tout, c'est le ton léger, l'histoire d'amour, un obstacle, des rêves. Un obstacle, c'est vraiment un trope de tous les films, scénario. De toutes les histoires. Sinon, c'est vraiment un homme fait un truc. Évidemment, c'est ce que les Disney ont repris en fait. Oh non, mais en disant ça, c'est. Tu fais des transitions. Oui, quand même. Oui, non, mais du coup, j'ai dit penser. Oui, non, mais c'est clairement. Ce que les Disney ont repris pas... en fait. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu n'aimes rien en fait. Ouais, bah oui, tu m'as cerné. Non, les... C'est vrai qu'en teen série, t'en avais pas vu beaucoup. Là, mais après, quelle comédie musicale aimes-tu? C'est mon travail, c'est mon travail de pas voir les films et d'en parler. Oui, non, mais c'est un peu le but aussi de ce podcast sur le cinéma. C'est pas un podcast sur le cinéma, c'est un podcast de divertissement où on parle de cinéma. Ouais, ouais, attention. Non, mais. Qui est écouté par 5 personnes. Oui, bah ça va. comment dire? Non, les Disney, récemment j'ai vu Le Roi Lion. Enfin, récemment. Quand récemment. Il est sorti, quand il est sorti au cinéma, Le Roi Lion en 3D là. Ah oui! J'avais pas vu Le Roi Lion original. Et à chaque moment où il chantait, j'étais en mode putain, c'est de la merde. Ah ouais? Mais oui! Et alors que c'est peut-être mieux fait dans les. C'est pour les enfants, les Disney. Enfin, ouais. Le Roi Lion pour c'est le coup. Mais même, non. Enfin, j'ai pas vu Le Roi Lion en 3D, mais. C'est pas le même film, hein. Bon bah d'accord. C'est pas du tout le même que le Roi Lion. Enfin si c'est le même, c'est la même chose. Ah oui, on parle vraiment celui du Roi Lion avec la voix de Beyoncé là, genre. Ah je sais pas. Le live action là. Je l'ai vu en français. Ah moi je pensais que parce que je sais que avec mon frère. Je sais qu'il a vu en streaming dessin animé en 480 qui est sorti en 3D. Ah non non non. Ah non c'est vraiment le live action. Oui le truc avec. Des vrais animaux quoi. Des vrais faux animaux. Mais par contre c'était claqué aussi. C'est bluffant. Mais c'est de la merde. C'était vraiment je l'ai vu en 4DX. Je peux ce film je l'ai vu en 4DX. C'était alors, c'était la seule raison pour que j'aille le voir avec mes potes vraiment. Ça m'intéresse. Est-ce que ça vaut le coup la 4DX? J'ai jamais non. fait ça. C'est, oui. Ça dépend du film. J'ai vu Mission Impossible, je suis ressorti avec un torticolis. Ouais, bah ouais, c'est film, ça. J'ai vu X-Men Dark Phoenix en 4DX et du coup le Roi Lion là. Franchement, ça vaut enfin ça vaut pas le coup. Sachant, bah c'est original mais bah non mais c'est là genre je sais que c'est genre quand dans, on a, dans quand Dark Phoenix quand Futuroscope quoi non, en fait, c'est ça quand t'avais Disney Futuroscope bah oui. bah pas voir des ouais, voilà. 1917 quand tu le vois en 4DX tu te prends des vraies balles donc là c'est un peu je veux dire à Vulcania il y a des films sur les volcans t'as un peu chaud quoi genre il y a un peu de chaleur qui t'est envoyée il y a des sèche-cheveux qui sont dans Mission Impossible c'est dans la neige et la neige et tout oui, ouais. vraiment non, vraiment bah ouais, ouais. quel t'as enfer moi, bah, quand t'as j'ai vu de l'eau qui t'arrive quand j'ai vu Dark Phoenix quand elle est en feu genre et ben bah, genre il y a vraiment des pas des flammes genre il y a genre un courant d'air chaud intégré au ciel du coup devant le siège on a genre des petits trucs avec genre tout le boîtier avec tous les dispositifs froids ouais c'est ça bah du coup il y a vraiment un courant d'air chaud qui te vraiment mais qui te bondit à la gueule c'est horrible c'est horrible j'ai vu Titanic bah faut être bon en apnée quoi. Alors, à la fin du film, parce que sinon ils sont relativement outils. Non, mais ils ont pris que les plans sous l'eau en fait. Le film fait 2 minutes. C'est petit, Titanic. Oh, très merci. Bon. Donc, on a isolé pas mal de trucs des comédies musicales pour revenir aux comédies musicales. Donc, je vais me répéter un peu, mais le ton léger, l'histoire d'amour. Le personnage féminin protagoniste et un rêve qui a l'air inatteignable. Mais qui est pas tant que ça inatteignable finalement. Je ne sais pas boire. Tu viens de te renverser de l'eau en buvant dans un verre quelconque. Sans parler. J'étais hyper concentré sur ce que tu disais en fait. Bah mais ça c'est le charisme frérot. Putain, mais je suis vraiment un bébé. C'est très rigolo. Parce que j'adore me moquer des enfants. Et du coup on va pouvoir passer à l'écriture de notre film. Alors on va essayer évidemment. Ah mais pour attends. Enfin je te coupe. Oui c'est désolé, le principe du. Mais, non, mais parce que je sais pas si c'est un cliché ou pas. Dis-le. Mais généralement c'est toujours les mêmes personnes qui les font. C'est-à-dire les bah, genre, en tant que réalisateur ou... Ouais déjà non, même en tant que musicien par exemple, genre, c'est des genre bah les, oui. Les compositeurs c'est généralement des compositeurs de musique ah, de oui, comédie musicale. Ah oui, c'est des spé comédie musicale et tout. Oui, c'est vrai. Après mais nous, non, parce que nous, si c'est parce que si c'est un cliché, on peut faire du coup les coulisses du cliché et genre quel ouais ça comme l'imaginaire maintenant écrite composée par Hans Zimmer. Ah ouais, oh, ce non. Serait ouais, chose. Et du coup, il n'y a aucune parole. C'est ça, en fait. Non, mais il y a des gens qui écrivent un film lambda. C'est de Dune et d'Interstellar pendant 3 heures. Des gens qui crient, bon. Voilà. Ouais, bah moi, ça me va. Ça me et ils se parlent comme ça. Et il y a juste les sous-titres. Non, mais avec la BO de Dune, par exemple, où t'as les grandes chorales ouais. Avec énormément de résonance et tout. Et c'est juste des gens qui chantent leur amour et tout. Je vois pas Timothée Chalamet danser au milieu de Dune là-dessus. Ah, bah moi, ça me. Avec Zendaya, moi, ça me ferait rien. Surtout qu'elle a déjà joué dans Shake It Up. Elle s'y connaît. Elle joue dans The Greatest Showman ouais. Aussi. Hein. Voilà, elle chante vraiment. Elle joue une comédie musicale. Elle c'est a joué, je sais plus comment ça s'appelle, mais genre fait. Avec la meuf Hugh qui Jackman, est parce qu'elle est un peu métisse, c'est une minorité, c'est une femme et donc du coup c'est une minorité et donc du coup elle joue avec le personnage de Zac Efron et du coup c'est un peu l'amour impossible parce que lui est blanc et elle est métisse. Et... D'accord. Bref, on revient à l'amour impossible. Bah on voilà. Revient. Bah, alors oui, il va falloir qu'on écrive bien cet amour impossible. Ça va être notre challenge. Oui. Alors on commence. Déjà quel est le setup du film? On est dans quel décor on est URSS. Dans... Bah, c'est... Premier décor des Strasbourg sous Staline, franchement. La chute du mur. Ah, c'est mais un amour impossible. Mais ça existe déjà. Ouais, il y a Cold War, le Cold film. War, exactement. C'est ça, genre qui se passe entre un amour entre une Allemande et un. Polonais. Et un Polonais, ouais. Et justement, ils sont séparés par le rideau j'ai de fer. Et tout genre vu. Lui. Je l'ai pas vu non plus. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est ma ah, meuf. Par contre, par la meuf pour qui le fan des comédies musicales. Ah, mais pour le coup, ce film est incroyable. Et c'est. Elle est serveuse, mais je crois qu'elle est genre aussi. Elle chante dans un cabaret. Ouais, c'est ça. Et lui est pianiste aussi. Oh. Et du coup, il va jouer dans les camps de concentration en Pologne et tout. Ah oui. Et ouais, et le film, du coup, c'est bah, Cold War. La guerre froide. Ouais, oui, bah, du coup. Bah, voilà. C'est en noir et blanc et c'est très très beau. On a, ouais, ça a l'air. Du coup, je l'ai toujours pas le non, vraiment, regarde-le pour le coup. Il est, oui, il est bah ça va. Maintenant, regarde-le. Je suis encore chez moi. Putain, qui t'invite Je te file mon compte Canal, vas-y. Je l'ai. T'as les comptes? T'as les codes? Bon, c'est bon. Caméra. Exactement. C'est une pub. Oui, non, mais j'ai. Oui, enchaîne. C'est pas bon fait. Vraiment, je l'avais vu une fois et puis c'était sorti de ma tête. Ok. On se perd un peu. Mais oui, alors assez, le setup, ouais. on le fait dans un truc improbable ou on le fait dans un truc bien cliché, genre improbable. La Californie. Bien cliché, non? On peut commencer avec un setup cliché et oui. Il se passe plein de trucs. Ouais. Ouais. Des aliens. C'est la fin du monde. Une comédie musicale avec des aliens. Je suis chaud de ouf. Sur Mars. Franchement, ça me va de ouf. Quel est l'obstacle du coup? C'est, c'est aller sur Mars. Il y en a un qui est sur Mars, un qui est sur Terre, d'accord. Un film de SF en genre, comédie musicale. En comédie John musicale. Carter en version de ouais. Comédie musicale. Non. Mad Max. Quoi, John Carter? Mad Max. Ah, oh, vous avez Mad pas Max. Vu John Carter? Mais c'est non, pas c'est sur nul. Mars. Mad Max. T'as pas vu? T'aimes pas John Carter? J'ai des trucs. Toi, t'es mute. Non, je rigole. Il est un peu long. Non, c'est un film Disney qui a flop. Il y a c'est, flop, c'est là, peut-être c'est il a flop pour une raison. En fait, je me rappelle. C'est pas le truc avec des gros monstres là, si, bizarre. Si, si. En fait, c'est un mec qui trouve le passage jusqu'à Mars dans une grotte. Mm-hmm. Et il arrive sur Mars. Et en fait, il fait 1m80 comme. Mais comment ça dans une grotte et... Il y a de l'air quand même. Entre ça a l'air bien ton film de gros bébé. Non, c'est un tunnel secret qui, genre, c'est dans toute non, la galaxie. C'est un portail magique, fais pas chier. Okay. On est dans Portal en fait, c'est un mélange entre tout. Et du coup, ça se passe à l'époque de la guerre civile américaine, je crois. Et quoi c'est un confédéré ou un truc comme ça. Et ah, il s'abrite dans une grotte. Il est transporté vers Mars, magicalement. Il meurt du coup. Quelle planète? Parce qu'il n'y a pas d'oxygène en fait. Des princesses et tout ça, genre. Mais il aura une mort stylée. Ouais. Non, il arrive sur Mars. Et en fait, Mars, c'est une planète comme, comme la Star Terre, Wars. Sauf que il y a, ouais, voilà, c'est vraiment Star Wars. C'est Tatooine, en fait. C'est vraiment Star Wars. Là, ils font, sauf qu'ils font 3 mètres, c'est ils ont 6 bras, ils sont tout verts. Mais lui, il peut voler parce que vu qu'il est beaucoup plus léger, il a la force d'un humain sur la Terre. Et ben, il est beaucoup plus fort que les Martiens puisque la gravité est plus faible. Du coup, ils ont moins de muscles. L'explication. Et ça, il explique. Ça paraît ultra scientifique, mais en fait, c'est. Ouais, alors que c'est un portail magique vers Mars. Okay. John Carter. Voilà. Non, mais c'est pas du tout flop. Ouais, c'est vrai que ça flop, oui. C'est vrai. Mais c'est un setup comme ça. Ok. Non, je sais pas. Non, en vrai, sur Terre, c'est bien. Ouais. En vrai, la Terre. Restons c'est sur Terre. Sinon, en Antarctique, c'est sur Terre. Moi. Ouais. Avec des combinaisons, genre. Ils sont des bisous d'esquimaux, du coup. Dans un. Dans Californie, un truc comme ça. Ouais. Des palmiers. De toute façon, c'est. Ouais. Sinon, tu vois, à Lens. Californie, je pense que c'est trop simple parce que tu vas repartir dans des. Dans des en fait, trop dans les clichés et ça va faire la Land, en fait. Ouais. La Floride. C'est pareil. Ouais. La Floride, mais pendant la guerre de sécession. Bah, ça existe déjà. Mais c'est vraiment. Oui, ça doit exister. Oui, bah, oui, bah oui, en fait. Oui. Bah non, mais une histoire d'amour, finalement, entre les gens du Nord et du Sud. Quoi. Autant importe le vent, ouais, mais là, avec un comédie musicale. Ouais, ouais, bon, bah. Bah, du coup, non. Ça a déjà été. Bah, sinon, écrit, sinon Québec. Et on fait ça, on fait une tournée avec, avec l'accent québécois. Québécois. Oh là là. Voilà. Jamais je désolé ne regarderai ça. Nos amis outre-Manche, non, outre-Manche, outre-Atlantique, qui nous écoutent. Non, non, pas, non en plus, personne n'y était à l'époque au Québec. À quelle époque? Parce que même maintenant. Sinon, j'ai une comédie musicale sur les grandes découvertes. Ça va? Sur le bateau de Christophe Colomb. Dans les grottes de Lascaux. En vrai? À l'époque de avec la des grognements. Et là, du coup, Hans Zimmer pourrait faire ses. Voilà, parfait. Exactement. Et ben. Moi je valide. Hein. Ok, à l'époque de la. Ok. À l'époque de. Compromis la... Au Moyen-Âge. En vrai, au Moyen-Âge. En vrai, au Moyen-Âge, ça fait un peu genre film en costume. Bah ouais, grave. Comédie musicale, ça fait grave. Ça le fait. Moi j'irais voir une comédie musicale au Moyen-Âge. Mais... Ça m'intriguerait assez pour que j'aille le voir. À la Game of Thrones, du coup, Camelot. Et tout. Peu, ouais. Oh non, Camelot. On en a gros ou quoi? On en a gros ou quoi? Il parle que en réplique de Kaamelott. Ouais, insupportable. Le gras, c'est la vie ou quoi? J'ai raison ou pas la team? Non, Moyen-Âge. Non, désolé. Les gens qui parlent en. On t'a perdu, la Lucie et moi. Vous ne regardez pas Kaamelott? Vous n'avez pas les rêves? Un petit peu, okay. Des fois. Un peu, ouais. Pas tout le temps. Bah, moi, je ne regarde pas. Mais... Moi non plus. Bah, mais j'ai les rêves. Moi, pas trop. Mais les fans de Kaamelott parlent uniquement. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que. En Kaamelottien. En réplique, en fait. En gif essentiellement de et ils disent toujours le gras c'est la vie sans aucun contexte. Voilà. Voilà. Pas de. Aucun contexte. Non, mais au Moyen-Âge. Moyen-Âge, c'est bien. Moyen-Âge. Genre 400 ou 1400. Moi, j'aime bien que ce soit vraiment. Pile au milieu, tout le temps. À chaque fois qu'on va avoir. Non, mais trucs. bien, il y a longtemps, quoi. Genre, ah, genre dans les années voilà, 600. Ouais, voilà. Clovis. Bah, avec, sur le vase de Soissons. Bah oui, vase de Soissons, oui, carrément. Vase de Soissons, okay. C'est l'obstacle. C'est le Graal. C'est la quête. Okay. C'est l'objet qui va rendre l'amour. En fait, il faut casser le vase de Soissons okay. Pour libérer l'amour. Tu vas un peu loin. Alors, un petit rappel pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, le vase de Soissons. Ouais, c'est un vase. À Soissons. C'est ça. Je n'ai aucune idée de l'histoire. Dès qu'on dit Colvis, en fait, c'est le vase de Soissons. Oui. Bah, en histoire, ils font référence au vase de Soissons, mais ils ne disent pas ce que c'est. Hein. Non. C'est un... Voilà. C'est vrai, ça, j'ai capté ça. En fait, on a passé un bac sans savoir ce que c'était cet objet principal. Ouais, alors, j'ai jamais étudié la mariée de danse et tout. Non, si, on l'étudie vers le CE1, quelque chose comme ça. Non, mais c'est vrai, c'était il y a longtemps quand même. Trop vieux pour ça alors. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai déjà quand même 57 ans, donc. C'est vrai. Je l'ai fait pas, mais. C'est ça qu'on n'en parle pas assez du vase de Soissons. Moi, je pense qu'on devrait justement réhabiliter, rétablir l'importance du vase de Soissons. On te tourne en boucle les premières, secondes guerres mondiales. Par contre, le Moyen-Âge. Et parce que d'une certaine manière, en fait, c'est plus important, disons, pour avoir une compréhension du monde à l'heure actuelle, je pense que c'est plus important que la guerre de que le vase de Soissons, tu vas être là. Non, mais ça explique tout, en fait. Puis on a légèrement plus d'informations quand même sur la guerre que sur le vase de Soissons. Oui, et puis aucun des belligérants de l'époque n'est encore là. Oui, donc on est un peu rien à foutre. Bon, il y a des mecs là-bas, ils ont cassé un vase. Les Visigoths, ben, c'est les Allemands, quoi. Ils font chier avec leur nom à la con, là. Non, elle... c'est pour dire, on part sur une comédie musicale au Moyen-Âge. Oui, bah oui, ça c'était. Mais ça les passe costumes dans un, seront. Dans un bourgmestre. Il n'y a pas que. Moi je dirais vraiment dans un milieu paysan. Ouais, ouais. C'est des, entre la. Genre, entre un, faut un entre, riche c'est ça, entre genre, la voilà. riche demoiselle du château ouais. que le paysan croise, ou alors tient l'épicerie genre, du village, et pendant que l'autre fait ses courses, elle la croise à genre, un oui. regard, et c'est un peu genre. Lui il aura le goal d'aller à la cour, genre. Ça fait très Shrek quand même. c'est. Ouais. Une épicerie au Moyen-Âge, déjà un Lidl. Alors, au par coin contre, de la rue. Franchement, est-ce qu'on peut faire un film avec plein d'erreurs historiques? Oui, franchement, ouais. C'est littéralement ce qu'on a fait au dernier épisode, c'est très drôle. Et en vrai, ça me va de ouf. Un petit Lidl. Non, mais en désolé, fait, c'est une échoppe avec marqué juste L-I-D-L. Et, mais c'est une épicerie de l'époque, tu vois, il n'y a rien dedans. Mais ça s'appelle Lidl. Bah, du coup, ça se passe en Suède ou. Bah non, Lidl, c'est allemand. Lidl, non, c'est suédois. Ah, Lille. Non, c'est pas en Angleterre, voilà. Angleterre, c'est bon, bien, c'est ça bon. Prête un peu à, au countryside. Ouais, la royauté. Il y a pas mal de paysages assez. Genre les trucs okay. en Écosse. En Écosse. En Écosse. En Écosse. En Écosse. La cornemuse. Mais il parle français. La cornemuse. Parfait. Que des musiques à la cornemuse. Parfait pour Hans Zimmer, finalement. Mais voilà. Hans Zimmer oui. qui adore. Alors, qui fait la musique et Emmanuel Miranda fera les chansons. Voilà. Voilà. Au montage, je vais mettre en là derrière nous, pendant qu'on parle, que des reprises de chansons connues en cornemuse. En cornemuse, vous êtes au courant de ça. Donc, qui va ça va être notre film. Insupportable. Oui. Non, je vais pas le faire. Franchement. Disney. Non, mais allez, on est en Écosse, au Moyen-Âge. En Écosse. Et alors il y a une princesse. Une princesse. Voilà, qui. Qui est dans un donjon. Qui finalement est un peu. Qui en a marre, quoi. Qui vit dans un donjon, gardé par un dragon. qui en a marre. En fait, elle en a marre de la vie dans la. Voilà, de noble, en fait. Elle veut de l'aventure. Ouais. C'est pas du tout une comédie musicale, là, si je suis en train de dire. Bah, en fait. Si, son objectif, c'est de connaître le véritable bonheur. Et l'objectif voilà. du gars, c'est d'être ultra riche, parce qu'il est pauvre. Non, c'est pas vrai. Non, c'est bien sûr que non. Sinon, elle est promise à un gars et voilà, elle ça la saoule. C'est ça, c'est l'amour impossible. Voilà. Et en fait, voilà, il y a, je sais pas, faut qu'elle rencontre un paysan à un moment. En fait, elle sort pour très rarement. C'est un peu Pirates des Caraïbes en fait là. Ah bon ? Ah bah oui, c'est Pirates. C'est... Puis il y a. Jack Sparrow. Oh là là ! Mais le style musical. Ah, ouais. Bah écossais. Bah, cornemuse. Cornemuse. Le mot clé c'est cornemuse ce soir. Alors, on fait comme opéra rock. Non mais comme les reprises de musique en version Moyen Âge. Oh putain. Amitié. Oui, je vois très bien ce que tu parles. C'est un Bridgerton Moyen-Âge. Ouais, vraiment. Avec des petites c'est Despacito à la cornemuse. Moi, ça me va. Oui. Ok, style musical, on va dire reggaeton. Reggaeton Moyen-Âge. Reggaeton médiéval. Bien la petite princesse en haut. J'aurais jamais pensé dire ces deux mots d'affilée. Ah, c'est quoi ? T'écoutes quoi là ? Oh, j'écoute un petit peu de reggaeton médiéval. Je suis sûr qu'il y a du potentiel, il y a du potentiel. Ouais, grave, oui. grave. Ouais. Donc, c'est une princesse et un pauvre, on est d'accord sur ça ? Ouais. Oui. Ça fonctionne toujours. Du ça reggaeton. Restera la princesse et le pauvre. Ça s'appellera comme ça. La princesse et le pauvre, là. La Belle et le Clochard. Finalement, en fait, c'est le film. Oui, c'est vraiment une histoire. Bah, après, on est dans le cliché, là. Oui, là, c'est vraiment bien le cliché, là. Et il faut qu'il y ait plusieurs scènes, quand même, très marquantes. Le début. Le milieu et la fin. Oh bon, ça va ? Tu veux te foutre de ma gueule encore longtemps ? Qui t'invite ? Désolé, aujourd'hui, je suis en roue libre total. Au début, je vais finir ma phrase. Au début, l'introduction de la princesse, elle est en chanson. Évidemment. Elle chante. Bah, toutes les premières scènes de films de comédie musicale sont des chansons. Exactement. Ah bon ? Je sais pas. Quasiment. Je sais pas, j'en ai vu aucun. En vrai, quasiment, ouais. La Land, c'est pro. Ça ah ouais. Comme c'est un plan séquence. Bah, c'est l'autoroute. Le fameux l'autogrill. Mais c'est vrai, c'est l'autogrill. Oui, c'est la scène. D'accord. Ah, mais oui, c'est le lip dub avec les voitures. Le lip dub. Non mais à ce rythme là, toutes les scènes de musique dans une comédie musicale sont des lip dubs. Bah oui. Techniquement, c'est un plan séquence. Ce faire sur l'autoroute du Moyen-Âge, toutes les calèches s'arrêtent, l'autoradio au max, et puis hop. Faire un remake de La La Land. Il tourne un bouton en bois. Et là, les mecs. Et là, il y a un ménestrel qui sort de la botte de paille derrière. Non, c'est un. Comment ça s'appelle là? Les bardes. Non, genre c'est les poètes là. Ah, les. Ah, bah. Les bardes. Non, Astérix Obélix, c'est ça. Oui. Ouais, c'est un barde, je crois. Ouais, barde, c'est vraiment, des Gaulois, quoi. C'est pareil. C'est le principe, c'est le métier. Oui, voilà. Mais c'est comme ménestrel, quoi. C'est pareil. Oui, c'est un amuseur. Un amuseur. Oui, il fait de la musique. Le bouffon. Le bouffon. Oui, donc tu coules, le bouffon. Vas-y. Enchaîne ton idée. Non, mais du coup, j'ai perdu mon idée là. Je t'appelais pas bouffon. Vas-y, le bouffon, on a fini ton truc. Non, du coup, ok, ils sont sur. Enfin, lui, il transporte lui-même, il tire à dos de son propre dos. Ah ouais. Sa grande calèche avec. D'accord, on est à ce niveau-là de pauvreté, quoi. Bah, au début, quand t'as pas de quoi te payer un cheval. Quand tu commences ta start-up à l'époque. Tu vas à la banque, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, je veux dire. Ils prêtent pas de chevaux, hein. Même des bébés. Même... Ah, je pense que. Non, mais il avait un cheval quand même. Non, mais non, justement, c'est encore plus marrant. Okay. Lui, il tire comme ça péniblement sa calèche remplie. Calèche de quoi? Remplie de quoi? Une calèche? Une courgette. Courgette. Je sais pas. Je sais pas, un fruit, un légume, quelque chose. Et c'est courgette. Moi, j'ai quoi à l'époque? Qu'est-ce qu'il mangeait? Du pain, du blé. Pas du blé. Allez, du blé. Voilà. Du blé pas moulu. La paille. Il l'amène au meunier. Au meunier. Qui ne dort pas, finalement. Qui ne dort pas. On part sur complètement de choses. Et justement, la musique après. Oui, mais meunier. Dors-tu? Non. Et là, donc, il voit passer à toute allure dans l'autre sens. Parce que c'est des, un c'est, mec c'est avec des doubles voies une calèche Ferrari avec plein de chevaux. Il s'en va un chevaux. Et du coup elle met 14 heures à passer. Moi ça me va. C'est une 120 chevaux, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de juments. Voilà, 120 du coup. Oui, bah oui. Et il la croise, et au bout des 120 chevaux, c'est-à-dire après 5 minutes de traversée, il croise le regard très rapide. De la demoiselle. Au ralenti, comme elle passe super vite, oui. C'est wow. Au ralenti. Wow. Mais oui, évidemment, c'est ralenti. Tu sais, il y a genre une lumière, du coup, ouais. Ah oui, du coup, on va pas voir dans le podcast. Mais du coup, il y a genre une lumière que sur ses yeux. Ouais. Et genre tout le fond derrière est un peu noir et flouté. Il y a des pétales de rose qui s'assemblent. Ouais. Et c'est une décapotable. La musique commence. Bah évidemment, il n'y avait pas de toit à l'époque. On n'avait pas encore découvert, on s'était pas dit, putain. Oh mais... putain, la pluie. Surtout en Écosse. Ouais, oui. Il pleut jamais, il fait très très beau. Palmier, c'est l'arbre. Au bord du Loch Ness, finalement. Bah oui, finalement. Il y aura une apparition du Loch Ness. Ah bah, oui. Le monstre, c'est lui le dragon en obligé. Fait. Voilà, c'est évidemment lui. C'est évidemment lui le monstre à combattre. Et il symbolise l'histoire d'amour qui peut pas se faire. Ça fait un peu, sinon, on fait un peu comme la forme de l'eau, où genre il y a une histoire d'amour entre le monstre. Oh non. Et le dernier moment, elle change de gars. Parce que le monstre du Loch Ness, dans la légende, il est vraiment très très grand. Hein. On est sur l'âne de Shrek hein, en termes de différence de taille. Donc... Moi, ça me va. Okay. Une petite potion magique à l'Alice au Pays des Merveilles. Et, allez, tranquille. C'est bon. Et les sorcières. Non, on va rester sur des humains. Moi, j'aime bien le fait que ce soit des humains. Quoi. Oui. Donc, ils se croisent, et là, ils flashent. Et elle aussi. Parce qu'il se dit putain, il pue mais il est beau hein, parce que écoute, il pue de déjà même voilà, en hyper vite. Voilà, on fait un truc genre il est très moche et après elle va le voir propre et elle va faire waouh, il est trop beau. Juste c'est la grenouille en fait. Finalement d'une bonne douche. Parce qu'elle faisait tomber de l'argent en fait derrière elle en passant et du coup il a trouvé et il se fait ouais, je vais pouvoir prendre un bain. Au bain public. Au bain public. Bon, il arrive dans le lac du Loch Ness. Exactement. Il arrive au moulin. Qui va trop vite d'ailleurs. Hop là. Ouais, et le mec il est waouh, il va trop vite le moulin. Puis hop, il meurt. Parce que l'hélice elle tombe. Non. Il arrive au moulin pour moudre son grain de blé. Et bah du coup, le meunier c'est son pote parce qu'il lui apporte toujours le blé. Et là, on a la scène classique de. Le blé. Non mais là. Oui, bah ça va. Ouais, c'est la scène classique où le mec qui vient de croiser. une meuf trop fraîche qui il est tombé amoureux au premier regard et tout. Et il parle à son meilleur pote. Il chante. Il lui raconte comment elle est physiquement. Genre, bah, c'est la chanson de Grease, là, Tell Me More, Tell Me More. Oui. Et ben, on fait la même chose. C'est un peu le début de Mamma Mia quand elle raconte ses vacances. Ouais, bah c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Elle raconte tout en chantant. Bah, on se fait une scène comme ça. Okay. Où il raconte, elle était, je sais pas. Mais du coup, c'est la première scène, ça Quoi? C'est la première scène. Non, c'est la scène d'après. Juste après le coup de foudre. C'est après l'introduction de. Parce qu'on c'est la première chanson qui dure 17 minutes. C'est la première chanson. La chanson dure 17 minutes. Alors, oui, attends, un autre truc des comédies musicales, on suit toujours les deux points de vue dans les histoires d'amour. Parce que en même temps. Moi, j'aurais bien vu justement l'ouverture avec la meuf qui chante son ennui, justement. Oui, elle chante son ennui, puis un ensuite peu... on voit la scène où ils se croisent. Voilà, ok. Très bien. Ou alors, justement, oui. Ouais. Oui. Ça me. Je suis complètement convaincu. Ok. Top. Je n'irai pas voir ce film, mais... Tant mieux. En vrai, tu mets un bon cast, je pense que ça passe de ouf. Non, mais toi, si tu mets un bon cast comédie musicale, ça fera des millions d'entrées de toutes les manières. Eh ben, parfait. Voilà. Bah, moi, ça m'arrange. Mais franchement... on fera le cast à la fin. Mais... Harry Styles. Là, il chante. Là, il arrive devant le meunier, il chante. Ouais, je sais pas. Meunier, meunier, tu dors. Ouais, mais il saute partout. Non, je ne dors pas, putain. Je suis pas arrêté. J'ai quand toi, arrête de dire ça. Arrêtez les clichés. On dit toujours les meuniers, ils en branlent pas une. C'est pas vrai. On est au four et au moulin. Donc. J'ai plein de blagues sur le moulin. C'est la troisième déjà en moins d'une heure. Une autre. Et là, il lui dit... Je sais pas, j'en ai pas. Franchement, on peut inventer le podcast Antonin. Juste podcast non, blague d'Antonin. Moulin. Moulin. Ça s'appellerait le moulin. Histoire du moulin. Et du coup, bon, il lui chante... Ah, elle est très très belle. Elle avait des cheveux magnifiques. Mais il le dit avec un regard de dégoût comme ça. Ah. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu l'as fait. C'est pas visuel. C'est un podcast, ils l'ont pas vu. Moi, je trouvais ça très drôle. Ils peuvent imaginer en train de sourire. Ah, vraiment belle. T'as vraiment fait ça. C'est hyper visuel comme gars. Ce qu'il a dit de manière très enjouée, mais il était en train de dégoûter. Bon, c'est pas... c'est très visuel. Non, mais il le fait quand même. Bah, il est censé être amoureux, il peut pas être dégueulé. Enfin, il peut pas être dégueulé en amoureux parlant, au bout de deux secondes. Non, mais moi je suis d'accord, c'est juste les comédies musicales finalement. Complètement. C'est un coup de foudre finalement. Ah, là-bas. Et voilà. Donc il lui dit, elle est très très jolie. Et là, le meunier dit, ah, mais laisse, elle est pas de ta classe sociale, c'est pas pour toi, etc. Et là, ça est vraiment hyper oui. Pour l'époque. Il est hyper non, mais la lutte des classes, je veux dire. Il est hyper déconstruit. Non, mais mais c'était, c'était un ancêtre de Marx d'ailleurs. Qui du coup est finalement pas du tout écossais. Ouais, mais oui, mais après, ça voilà, ils ont migré en Allemagne. Voilà. Parce que c'est. Avec Lidl du coup. Ils sont partis. C'est la famille Lidl. C'est lui qui a ramené. C'est la famille Lidl. La famille Lidl. Famille Marx. Très très drôle. Bah, c'est quand même fou que le père du communisme ait fondé Lidl finalement. En tout cas, premier degré, quelqu'un entend ça bourré en soirée, je suis sûr que ça passe de ouf l'anecdote. Le saviez-tu? L'ancêtre de Karl Marx a fondé Lidl. Lidl. Lidl. En Écosse. Exactement. Et du coup, la scène d'après, donc là, il y a la scène où les deux comparses disent « Ouais, elle est trop belle, mais en fait, elle n'est pas pour toi, etc. Mm-hmm. » Et là, la scène d'après, c'est de l'autre côté, la princesse, finalement, qui dit à sa mère ou son père, je ne sais pas, sa mère. Sa servante, non, plutôt. Sa servante. Maintenant, parce qu'on ne se confie pas aux parents à l'époque, genre. On se confie à la bonne. Genre à 40 ans. Donc, Oui, bah oui. On se confie à la bonne. À sa servante. Mais du coup, c'est-à-dire que la fille, elle a genre 13 ans parce que comme ils sont mariés super tôt. Non. Mais on va faire avec les normes d'aujourd'hui. On va faire avec les normes d'aujourd'hui. Elle a 20 ans. Ils ont 8 et 7 ans. Du coup, ils chantent très très mal. Ils travaillent très tôt, les gars. Ouais, bah, à l'époque, à l'époque on mourait à 12 ans. La retraite était à 20, donc fallait cotiser. Marion cotisait d'ailleurs. Oh. Non, elle est pas ouf celle-là. Quoi? Cotillard. Elle sera. Bon, elle fait pas genre, t'as pas compris. Elle était nulle, mais elle est pas incompréhensible. Ouais. Et du coup, la scène d'après, donc, elle se confie à sa servante. En chantant, bien sûr. Évidemment. Et elle lui dit, j'ai croisé un mec. Un vieux mec qui pue la merde et qui tirait une charrette. Putain, il puait plus que les autres. Là, lui dit, mais non, mais en vrai, si tu regardes au fond de son... Parce que la servante, elle est pauvre aussi, tu vois. Donc il dit, si tu regardes au fond de son cœur, je suis sûr, c'est un mec bien et tout. La servante chante mieux que la princesse. Parce que... Je sais pas. Elle, pourquoi elle lui parle de ce mec, en fait? Bah parce que, justement, elle a été choquée par l'odeur. Waouh. Je ne sortirai plus jamais du château. Il fouette. Et là, il y a... Alors, ok, donc... Il aurait pu faire une bonne action sur le chemin. Oh, il a ramassé un peu comme il a ramassé son argent et il a dit vous avez oublié votre argent. Vous avez oublié votre or, madame. Il a dit merci, tu pues quand même. Ça, merci, gardez-le. Gardez-le. Il est infesté. Regardez, il y a de la fumée verte qui sort. Vraiment, il pue. Oui, il y a vraiment de la fumée verte qui sort du type. Visuellement, quoi. Ça fait très comédie musicale, genre très illustré. Oui. Et après la scène où elle se confie à la servante, il faut qu'il y ait un truc, il faut qu'ils se recroisent. Enfin, qui fait qu'ils se recroisent. Et là, je pense à. Je sais pas. Un événement dans le village. En ouais, voilà, la fête du village. Il y a une exécution. Évidemment. Et une décapitation. D'une sorcière. Et bah, la sorcière, avant de mourir, elle va prédire en mode genre. Oh, ouais. Ouais, je te vois avec quelqu'un dans la foule, un truc comme ça, et après tu vas dire genre qui es-tu? Oui. Il va mettre genre elle maudit la princesse en lui disant tu sortiras avec un mec qui pue. Franchement oui. Et là bam, elle se fait pendre. Brûler du coup, brûler vive. Brûler, et là tout le monde fait ah ouais, brûler. Ah brûler ouais. Et elle chante en étant brûlée. Un peu comme dans Lux Aeterna finalement. Bien sûr, je l'ai vu. Moi aussi, bien sûr. Ça dure 50 minutes. Bah, c'est non, ah, c'est, qui... c'est le long court-métrage avec Béatrice Dalle et Charles Gainsbourg. C'est Luis Aeterna. Non, mais le réalisateur. C'est Gaspar Noé. Ah, bah, je le déteste. Non, c'est pas vrai. Oui, en vrai, déteste tout le monde. Oui. Non, c'est lourd. Bah quoi. Ça te passera. Je suis un haineux. Donc là, il y a une exécution et là... il se rappelle justement, ah c'est l'exécution, la servante a dit c'est l'exécution, il faut qu'on aille y assister parce qu'on représente le roi, pas le roi mais le duc du coin, tu vois, genre le le truc un peu merdique, ouais. Non, mais le maire, l'équivalent du maire, tu vois. Ouais. Ou du préfet, le bourgmestre. le préfet de la préfecture. Préfet allemand. Non. Dans un costume père, trop grand et une trop grande casquette. Son père c'est le préfet allemand. Voilà. Grave. Et préfet justement. Allemand, c'est le préfet de Paris, c'est ça? Oui. Ok. On va vous rechercher sa tête avec qui, une casquette. Qui, vous verrez. C'est très drôle. Qui, enfin bref. Qui a une casquette très très grande par rapport à sa tête. Une casquette très tête. Très grande par rapport à sa tête et disons qu'il était un peu facho, quoi. Ah, un peu. Sur un les peu. Bords. Et du coup, donc c'est son père. Finalement. C'est son père. Et du coup, c'est pour ça qu'il fait les exécutions en public, etc. Voilà. Donc, c'est l'exécution de la. On est dans un état fasciste finalement. L'Écosse. Le Moyen-Âge, quoi. Ouais, le Moyen-Âge. Oui. J'ai dit l'Écosse, je veux dire le Moyen-Âge. C'est révélateur. Révélateur de ma haine contre l'Écosse. Non, c'est pas vrai. Je vous adore. Même si vous... Ah, mais ça se passe pas à l'époque actuelle de l'Écosse. Pour moi, c'est comme ça, hein, l'Écosse. J'ai un message à faire passer. Non, et du coup, la sorcière, elle se fait. Voilà, elle est sur le bûcher, etc. Et une petite chanson à ce moment-là. Bah oui, évidemment. Bah là, tout le monde fait la fête. Non, c'est les villageois qui font comme ça, genre sur la sorcière, oui. Qui chantent. Mais avec des fois des plans sur la sorcière. Dans le feu. Qui est en train de. Et qui chante et qui fait des vocalises parce qu'elle chante quand même un peu. Elle fait les bacs, mais très très bien, genre. Avec l'oreille comme ça. Je brûle. Elle met son doigt sur l'oreille. Mais faut que je le dise parce que sinon, ça ne va pas le dire. Avec un peu une vibe Marraine la Bonne Fée dans Shrek. Ouais, un peu. Un peu cette gueule-là. Ouais. Un peu non, mais... Ouais. Ils lui disent, parce que c'est une coutume, un dernier mot avant de mourir. Voilà. Et là, elle regarde la princesse pendant genre 5-6 secondes et elle lui dit « Je te vois avec un pauvre qui pue !» Et là, tout le monde fait « Non, genre vraiment, il y a... Genre vraiment ça fait quasi que 4 personnes qui sont étonnées. Les autres font ouais bon. Ouais bon, la vie finalement quoi. Bah, tout le monde pue ici. Bienvenue dans mon monde finalement. Et après il y a le roi qui est énervé et du coup il fait allumer le feu. La chanson d'après quand elle brûle, c'est ça. Reprise à la cornemuse, bien sûr. Ah oui. Évidemment. Par Hans Zimmer, du coup. Je sais pas comment ça se joue, la cornemuse. C'était pas du tout la cornemuse, ça. Un petit saxo, un petit. Bah alors, allumez le feu au saxo. Je préfère. Ouais. Non, la cornemuse. Que l'original. Oui, bien sûr. Là, évidemment, en fond, tu mets évidemment allumer le feu au saxo. Ouais. Bah oui, évidemment. Bien sûr. Saxo cornemuse, c'est un bon combo. Waouh. Le montage sonore. L'alliance des instruments avant, j'ai eu du mal à dire. Alors, ensuite, là, elle est choquée par cette nouvelle, mais elle se voilà, dit. Elle est. Mais là, il y a un dragon qui vient. Qu'est-ce que. trop tôt. Très, très vite. Mais elle est choquée, elle se dit putain, mais je vais pas finir choquée, avec un pauvre quoi. Oh là là. Quand même, je suis quand même prédestiné avec être un riche qui sent bon, quoi. Donc, pas un pauvre et en plus qui pue. Au début, elle était censée être justement. Gentille. Ouais, la princesse un peu ouverte qui est contre. Au final, elle est horrible. Oh non, pas un pauvre qui pue. Oh non. Vous voulez dire le vieux mec là que j'ai croisé sur la route tout à l'heure. Avec son blé là. Même le blé, il puait. J'ai arrêté de manger du pain d'ailleurs. Qui est d'ailleurs mon seul aliment, donc c'est un peu compliqué. Intolérance au gluten, voilà. Pour l'époque. C'était très rare. Oui, puis c'était un peu compliqué de survivre aussi. donc elle dit, ah, ça veut dire que je ne suis pas promise à mon bien-aimé, parce qu'elle est dans un mariage arrangé, genre à l'aube de leur 21e année, on va dire, ils se marient, parce que c'est la majorité internationale. Mais... Déjà à l'époque, ils avaient le droit d'acheter des armes et de boire de l'alcool. Ouais, je à pourrais aller au bar ce soir. À Lidl, parce que ça faisait aussi bar. C'est un centre commercial. Ça faisait resto. Malari. Ça faisait acheter des poulets. Librairie. Écurie. Enfin, parcheminerie. Ça vendait des parchemins. Oui. Et du coup, elle s'interroge. Et évidemment, c'est l'occasion d'une chanson. Bien sûr. Et une chanson qui sur quelle j'aime. Elle est en train de rentrer au château pour se lamenter. Ouais. Bah, un peu comme Elsa, finalement, elle fait... Oui, non. Genre, elle fait... Non. I won't be married with... Pour... Non. Ah ouais. Merci, c'est complètement ça qui se passe. Ah ouais. Et là, t'as des gens qui fait... Ah ouais, elle est comme ça. Okay. Ah ouais, je l'imaginais pas comme ça, moi. Déçu. Vieille meuf là, un peu là. La vieille meuf là. Histoire avec un pauvre qui pue. Le pauvre qui pue. J'adore cette expression. Est-ce qu'on leur trouve des noms plutôt d'abord? Non, il s'appelle pauvre qui pue. Oui, bah oui, c'est un peu le film. C'est un peu le film où t'as genre lui et elle. Non, mais la princesse, ouais. C'est le pauvre qui pue. Moi, je veux. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait là après? Parce que. Mais elle sait pas c'est qui justement. Oui. Mais elle n'en veut pas non plus. Mais donc du coup, c'est d'un point de vue. Elle, ou genre on atteint les deux personnages. Non, les deux. Est-ce que d'abord, lui, on revient sur elle et ensuite on va. Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que lui, il pue particulièrement. Quoi. Du coup, il va se dire, j'ai trouvé du savon pour aller chez les riches. C'est bon. Mais malgré le savon, c'est quand même. Mais il faut qu'il y ait un montage. Attends, on arrivera après. Donc elle se lamente, etc. Et tellement ensuite, il pue dans l'assistance de la sorcière là. Ouais. Il y a dans le public, il y a. Un espace vide avec lui seul au milieu. Et les petites mouches qui montent. Ça fait pile un cercle de 10 mètres. Voilà. Ok. Et du coup, c'est comme ça qu'elle se rend compte que c'est avec lui. Ouais, elle dit. Voilà. Quand même. J'aime bien les pauvres, là. Là, ça fait beaucoup, là. Je vais être de gauche, mais bon. Il y a une limite. Quand on sortira, le prochain président sera déjà. Alors, venez, on vous avez mis ça pour toutes les possibilités. Bon Poutou, ça a rien d'enregistrer de visage. Pour le coup, là, non. Et du coup, donc, elle se lamente, tout ça. Elle revient, petite chanson qu'on ne va pas interpréter. Et ensuite, on revient si, sur. Vas-y. Le... Non. C'était vraiment genre. Voilà. Non. On retourne sur le gars. Sans le gars, ouais. Le gars qui pue. Le pauvre qui pue. Qu'on appelle. Guy. On s'appelle tous oh, Guy ou François. Guy. Oui, comme ça, le gars s'appelle Guy. Et genre. Ah, comme Free Guy. Voilà. Il s'appelle Guy. Mais est-ce que lui a compris qu'on veut la sorcière parler de lui? Non. Et lui, il est très con. Oui, d'accord. Non. Il a rien à son avantage. Il est pas con. En fait. Mais... Si. Non. Bah, s'il te plaît. Faut qu'il tombe en rose de la peau. Mais justement, mais c'est la sorcière. Et justement, il est con et il sait pas que genre. Mais attends, ouais, attends, ça va venir avec mon. Et là, il se dit, ok, donc c'est sûr qu'elle parle de moi parce que je suis celui qui pue le plus. Et, je suis et en fait, il se rend compte. Même lui, en fait, c'est dur pour lui parce que voilà. Ça attaque les narines, tu vois. Ouais, voilà. Et ça pique, quoi. Ça picote. Et du coup, il parle avec son ami Meunier, qui est son conseiller finalement, qui est son. Son ami s'appelle vraiment voilà. Meunier. Son ami. Bah Meunier. Oui. Pourquoi pas. C'est un prénom. Il s'appelle Guy Meunier d'ailleurs. Guy Meunier. Et lui, c'est Guy transporteur de blé. Guy DHL. Guy DHL. Chronopost, non. J'ai cherché le plus compliqué. Guy FedEx. Je suis sûr qu'en vrai, c'est grave un nom possible. Guy FedEx. Guy FedEx. Avec le petit accent, ça passe. Et du coup, il parle avec Guy Meunier. Et là, il lui dit, ok, il faut que j'arrive à faire en sorte de la séduire, de changer et un peu quand même. Du coup, le Guy Meunier, qui est à l'autre bout de la pièce... Quoi? Bah déjà, prends une douche, petit conseil. Ouais, mais du coup, le savon, ça coûte très cher à l'époque. Bah oui. Et du coup, il dit, ok, donc il va falloir que tu fasses des heures supplémentaires et tout. Et là, on a un montage musical. Oui. De lui qui, plein fait, de... qui ouais. Livre, et c'est Push It To The Limit à la cornemuse. Ok. Oui, et il fait plein de livraisons et tout. Et c'est fait genre jour-nuit, enfin genre ça. Ouais, voilà. On voit le soleil qui se couche, qui se lève. Qui exactement. Se lève. Et on le voit livrer des trucs nuls. Genre quoi? Je sais pas, une brosse à chiottes. Un lecteur CD. Ouais. Sinon, il va faire une livraison au château. Je sais pas, oui. Quoi ça vous servir parce que ça, on n'a pas encore inventé le CD, mais tenez. C'est ça, il va faire une livraison au château. En fait, justement, pour avoir assez d'argent pour s'acheter du savon avant la livraison au château, oui. Il fait tout ça. Ouais, parce qu'il sait qu'il a une livraison prévue au château. Exactement. Et à la fin du montage. Il lui dit n'importe quoi. Il fait. Tu pues plus qu'avant. Ouais. Du coup, finalement, t'avais plus de sport donc. C'est pas du savon, c'est de la bouse. Tu as confondu. Non, mais justement, il se prépare. Premier degré, je vais dire que quelqu'un vers. Pourquoi tu t'es roulé là? Mais je trouvais que ça sentait tellement bon, je me suis dit. Ah, le problème, c'est l'odorat. Ou le cerveau, au choix. Il se prépare et tout. Il a assez d'argent. Il va au Lidl. Il achète le dernier savon en stock. Le dope. Et là, c'est la fin du montage musical. Ouais. Et donc, il revient devant son ami. T'as la main sur le plan comme ça qui fait. Oh. Ouais, avec un aura de lumière autour de la main qui saisit le savon. Évidemment, un savon en gel douche, en plastique. Head and Shoulders. Avec une typo médiévale. Head and Shoulders. Donc, à la fin de ce montage. Là, on passe du côté, on repasse. Bah, il prend une douche. On a la scène de la douche. Ouais. Et il chante sous la douche. Voilà. Mais après la douche, il fait la reprise de la chanson d'avant, genre. Il sort version plus calme. Oui, genre. En anana. Oui. Vraiment, il a inventé le fait de chanter sous la douche. C'était lui. Nanana. L'original. Il y a justement Guy Meunier qui passe à l'œuvre. Super bien la musique. Il y a tout le village qui arrive après. Il se savonne, il fait nanana. Il y a tout le village qui chante. Nanana. La chanson s'appelle Nanana sur l'album. Ça résonne. Et il y a un mec à la cornemuse derrière, mais. C'est pas la cornemuse. Oui, mais tu vas faire le bruit de la cornemuse à la bouche, toi aussi. Je sais même pas, ça ressemble à quoi. Ouais, quand même. Et du coup. Il chante sous la douche, tout ça, très marrant. Ouais. Et là, il se prépare et cut quand il est prêt pour faire la livraison au château. On suit son arrivée depuis le point de vue de la princesse. Qui oui. S'appelle Princesse. Josiane. Fiona. Josiane. Josiane, je vois Josiane Balasco, ça fait peur. Josiane. Non, moi je vois Josiane de. Ça s'appelle Jo. Elle s'appelle Josiane, mais tout le monde l'appelle Jo. Jo. C'est parce qu'elle est tellement cool qu'elle a un. Ouais. C'est Jo la princesse. C'est tellement pas bon. Ça, c'est très animateur de radio. Hey, c'est Jo la princesse. Ouais, c'est mieux. Pas du tout. Bienvenue sur Skyrock de 16h à 18h. Aujourd'hui, on appelle ton mec pour le tester. C'est pas pour rien que je suis animateur. Et du coup, elle se prépare et tout. Elle sait qu'elle va recevoir un colis. Un colis. Oui, bah, c'est pas. Ils ont l'adresse. Elle est genre commandé, joue à la princesse, c'est pour rue imaginer. Du château. Sur le Amazon de l'époque, voilà, c'était Lidl aussi d'ailleurs. Elle check l'arrivée sur le téléphone et tout. Sur une tablette en pierre. Et ça s'update avec un graveur. Un graveur. C'est, elle arrivée dans 10. Elle lui tape un peu sur la tête comme ça pour actualiser. En fait, il fait des siestes et elle lui tape dessus. Et là, le graveur il se réveille. Il se réveille. Tac, tac, tac. Statue actualisée 5 minutes. Ok, c'est très marrant. Et du coup, elle se prépare, elle se pouponne et tout parce qu'elle sait que c'est lui. Et elle sait que c'est son promis, et elle se dit oh, bon, ok, il pue, il est pauvre, mais. Mais il faut bien, quoi. Voilà. Faut y aller. Apparemment, j'ai pas le choix. Non, ça fait pas du tout comme une musicale. Non, mais elle a flashé sur sa gentillesse, et se dit voilà, bon, parce qu'elle lui a, il a ramassé l'argent au début. Pour l'honorer, je vais quand même me faire bien et tout. Voilà. Et là, elle arrive et elle voit un Guy FedEx complètement changé. Voilà. Il est coiffé, il est rasé, il sent correct. Pas correct. Bon, non, correct. Attends, correct. Pas déconner parce que l'eau qu'il a utilisée était un peu. Le travail à faire était voilà. Il restait 3 heures sous la douche. Ouais, quand même. Bah, il chantait en plus. Oh, là, là. Et voilà. Et du coup, là c'est reflash. Là, c'est le reflash. De... Ouais. Et du coup, faut une nouvelle chanson quand ils se rencontrent et qu'ils se voient. Bah, oui. Non, une chanson quand ils se séparent. Genre quand il se re... genre là justement il y a pas du tout de musique etc, genre c'est hyper cru entre guillemets comme scène en mode votre colis ça fera je sais pas combien d'euros et il est hyper timide, enfin, pas des euros, et tout des dollars. Oui. Ils sont tous les deux timides. Ah merci. Ah ça fait mais plaisir. Une minute après, avant je pense qu'il fleurit la main pour prendre le colis. Et après elle se lave la main du coup. non elle est gentille. Non après elle fait ça sent pas si mauvais que ça. Hey, pas mal. J'ai un bel effort. Elle est shoulders. Je reconnais. C'est le nouveau parfum. Ça mentholé. Et du coup, il se requitte. Elle, dès qu'elle tourne le dos, elle commence à chanter en mode. Il chante. Il chantait. Non, il sentait. Il sentait plutôt bon. Et lui, il se barre avec sa. Toujours. Elle était plutôt belle. Oui, parce fait comme que c'est la grise, sa seule caractéristique. En fait, elle était juste belle. Bah, oui. C'est un personnage féminin. Belle et riche. Donc, belle et riche. Forcément. Voilà. Elle était juste belle. Elle est toujours aussi riche. Non, ça c'est la chanson du début, ça. Ok, et du coup, bon. Du coup, il y a quand même le père, chansons. le roi. Ouais, il arrive, voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Elle sait avec le paysan qui est là, bon, genre, qu'est-ce qu'il fait dans notre château? Qui s'en aille? Qu'est-ce que c'est que ce ménestrel? Ça va puer. Et en plus, il est pauvre. C'est un pauvre qui pue. Il s'appelle Guy. Comme tous les autres. Et du coup, le père, il l'engueule et tout. Et là, il y a une scène d'engueulade entre le père, le duc. De Boulogne. Ça s'appelle Duc, du coup. Le Duc. Bah, c'est B2O. C'est Booba. Le Duc. Non, non, c'est pas. Non, on avait dit que c'était le préfet l'allemand. Et donc il l'engueule. On peut changer. Ah, c'est Booba l'allemand. Booba l'allemand. C'est Booba avec c'est une casquette avec très grande. Casquette uncut. Et très drôle. J'imagine Booba oui. Avec très grande casquette uncut. Ça me fait marrer. Très très marrant. Et voilà. Il l'engueule. Et il dit pourquoi tu parles à des gens comme ça et tout. Elle lui dit mais tu comprends rien, il est super gentil, en plus il pue même plus avec la même voix que ça avant. Vraiment. Mais tu comprends rien. Nanana. Elle parle comme ça. Non mais justement il s'engueule. Elle est un peu, elle est très ouverte par rapport à son père. Et elle se barre, elle claque la porte ouais. Du château. Et elle va se réfugier au Lidl qui fait bar. Et elle se rend compte qu'il est là lui aussi. Oui, genre c'est là où il traîne après le soir. Là et on arrive avec sur la fin ses autres Guy. Là non. Sur la fin. Bah si. Mais non, il faut une mise avant, il faut un truc avec un dragon, un truc comme ça là. C'est pas un film médiéval sans dragon. Ouais, mais c'est une comédie romantique. Mais le dragon, je pense d'abord. Le dragon c'est facile, une comédie musicale. Ouais. Faut un petit drame à la fin. Oui, justement, il y a pas besoin d'écrire, il y a pas énormément de voilà, ça va plutôt l'intérêt de la comédie musicale, c'est les musiques, tu vois. Ça c'est non, les non, thèmes, là, elles sont pas. Bah tu veux qu'on en écrive une? Bah vas-y, je t'en prie. Non, ah, wow. Non. J'en mettrai une. au hasard. J'en enregistrerai une chez moi. Non, c'est vrai que, à part La La Land, toutes les comédies musicales durent un très court laps de temps. Ah bah oui. C'est vrai que c'est ouais, 24 heures ou une journée, une semaine. C'est long pour un film. Non, je pensais plutôt à 1h, 1h30, truc comme ça. Non, mais... Oui, non, mais la durée laps du de film. Temps dans l'histoire. Oui. Oui, j'avais compris. Après, oui, non, c'est vrai que les comédies musicales, elles durent genre 1h, 1h40. Genre. Non, moins que ça même. La majorité, c'est 1h30. La Land dure 2h10. Hein. Ouais, mais c'est historique, ça dure 2h40. Ah, 2h40, oui. Bon, écoutez. Don't Sorry in the Dark, ouais, c'est très long aussi. Bon, Oui, non, mais c'est spécial. Ça dépend, ouais, franchement, ça dépend. C'est soit ça dure genre 1h30, c'est d'ailleurs 2h20. Il n'y a pas d'entre-deux. Les Jacques Demi, les trucs comme ça. Oui, ça dure 1h30. Ouais, ça dure 1h30. Parce qu'il n'y a pas trop d'histoire. En même temps, ça dépend. Je sais que les Mazes de Rochefort, ouais, ça serait. Déjà 1h20, c'est. Déjà, c'est. Déjà. Alors, on arrive sur la fin. Bah oui. Ils arrivent au bar, et là, ça va être un peu la scène où ils vont commencer à se parler vraiment. Plus que la fin, on s'est touché la cuite. Et en fait, ils aiment les mêmes cuites et ils se retrouvent. Et après, on sait pas ce qui se passe. On voit la princesse le lendemain au milieu du pré. C'est genre. Dans le à poil, les deux ont, à poil. Ils sont baisés dans les bottes de foin. Vraiment. Et après, non, on les revoit, on fait ah, bah finalement, c'est ça la vie que je veux. Baiser finalement. Non, mais. C'est son truc. Non, non, attends, avant ça, il faut qu'il y ait la scène justement. Il y a encore une occasion de faire de musique. Que ça finalement. En fait, c'est ça, une comédie musicale. Des personnages, au lieu, ça se parlait. Ouais, exactement. au lieu des, comment dire, au lieu d'une chanson un peu romantique, très sérieuse et tout, moi j'aimerais bien la chanson qui chante à mode karaoké quand ils sont bourrés, quand ils ont pris trois pintes, comme qu'ils se prennent une murge. Oh là là là. Genre c'est un truc genre un peu cliché des bah du coup des chansons romantiques genre. Un beau truc genre un peu moyenâgeux du coup en reprise moyenâgeux genre avec la vie en rose avec un peu à côté attention je vais rechercher en écho continuez de parler je vais regarder si la vie en rose version comment ça cornemuse existe voilà. Là ils sont là ils continue, se dessus sur genre il faudrait vraiment qu'ils le fassent en mode il y en a un qui est sur scène bourrés. Et un qui est encore dans le public ouais, ils sont vraiment ils se regardent genre. Quand tout le public ne sait pas ce qu'il se passe. Et là, c'est genre, oh, il chante bien, elle a de la chance, sa compagnie. Et là, on voit la princesse Guillaume qui fait ouais, ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un medley, comme dans Moulin Rouge, et on passe par toutes les émotions, vraiment. Toutes les musiques. Oh, Moulin Rouge. Je valide. Ça n'existe, ça n'existe pas, malheureusement. Non, il y a au violon, mais au violon. Ah, saxophone. Ah. Mais saxophone, c'est... ouais. Alors. Au violon, ça fait Crédit de Bridgerton en vrai. Ouais, c'est ça. Du piano. Perspicace. Bon allez, on va mettre ça. Je vais pas mettre trop, sinon on va se faire striker. Oh oui, attention. DMC sur les podcasts. Voilà. Il faut quoi après? Enfin, du coup, genre, ils se rencontrent, ils chantent. Blackout. Complètement. Ah oui, blackout, ouais. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Juste. Mais ils croient. Voilà. Ils y croient. Ouais. Juste, ils y croient. Est-ce qu'on a. Est-ce qu'on... Je sais pas. Ouais, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de contraception. Voilà. C'était vraiment, un peu dangereux. Une chance sur deux à chaque fois d'avoir un gosse. Donc. T'es en mode. Oh, est-ce que. Voilà. Et sinon, après, elle est enceinte. Et t'as le père qui fait. C'est qui lui? Et c'est la fin, genre. Et après, du coup, elle part avec du coup, son. Oui, après, elle a du d'argent, du coup, ils sont tous pauvres. Et c'est elle ça. Accouche d'un bébé. Ils finissent d'un avec tout l'argent du père. Elle accouche d'un bébé qui pue. Et après, ils font. Mais oui. C'est bien le tien. Non, un bébé qui pue à moitié. Oui. Genre, vraiment, le haut du corps pue. Oh, il pue de la tête, mais les pieds, c'est fou. T'as pas besoin de faire un test de génétique, c'est. C'est vraiment le mauvais côté quoi qui pue. C'est ça. Oui, c'est vrai que si c'était les pieds, ce serait. Tu pourrais faire passer voilà. Ça pour la transpi, tu vois. Ouais. Et pas de la génétique. Mais non. À la tête, c'est plus compliqué. Mais c'est ça qui ça va rendre la vie du gamin un peu compliquée. Oui. Mais ouais, du coup, blackout, etc. Mais voilà, ils sont très amoureux l'un de l'autre. Pendant cette scène de bar, vraiment, ils commencent à. Ils prennent. Enfin, ils font connaissance vraiment des personnalités de l'un de l'autre, quoi. Donc, vas-y, regarde ton téléphone. Il se rend compte qu'il n'est pas si con que ça et qu'elle, elle n'est pas si, si pédante. Ouais, genre, c'est pas trop une bourgeoise. C'est ça. Elle est un peu ouverte. Genre. Et que lui, justement, pendant le... un peu, pardon. Oui. Genre, elle lui fait la réflexion, putain, t'as lu vachement de parchemin, t'es hyper cultivé. Voilà. Okay. C'est... Voilà, juste... le mot parchemin. Ok. Si vous avez des trucs à rajouter sur l'histoire, peut-être. Ou vous y voyez une fin? Bah à la fin ils partent tous les deux. Bah ouais. Ça se termine bien du coup. Ouais. Bah oui, bah une petite musique musicale. À part certaines que je ne citerai pas pour pas spoiler. Non, mais ça se passe pas bien pendant tout le film. Mais la majorité des comédies musicales se passe bien quand même. Oui, certes, mais quand même. Quand même. Oui. Quand même. En France, vrai, ouais, chez Jacques Demy, oui, mais. Jacques... En vrai. Moi mes rêves, c'est Jacques Demy. En vrai, pas tant. Enfin. Mais on va se pas tant que ça. Ouais, justement, c'est qu'il faut pas se spoiler. Justement, on coupe. Films. Bah non, mais. Non, mais en vrai, oui, non, mais en vrai, pas tant que ça. Enfin. On en parlera après. Ouais, on en parlera après. Mais du coup, pour revenir à notre princesse et bien notre sûr qui pue, ils sont très heureux. Et oui. Ils ont beaucoup d'enfants. Bien sûr, des enfants qui puent à chaque fois une nouvelle partie qui pue. Ils en ont plein parce que c'est au Moyen Âge et que ouais, du coup parce qu'il y en a plein qui meurent. C'est ça. Justement, en fait, elle a du premier coup, elle a fait des sextuplés quoi. Et... il y en a trois qui meurent par contre. Ouais. Non mais après ils en refont. Et là par contre les six ils survivent. C'est un peu la loterie quoi. Voilà. C'est ça. Bah voilà. L'histoire voilà. Se finit bien. C'est... Ça se termine bien. Ce film se termine. Bah la vie se termine. Ouais. La vie se termine bien. On n'a pas encore fini notre vie, mais ça, ça dépend vraiment. Et du coup, niveau casting. Ah, niveau casting. Ah, Harry Styles dans le rôle du moche. Parce que comme ça, il est moche, mais après, il peut être beau, tu vois, parce que c'est Harry Styles. Ah ouais. Ah. Moi, j'aurais bien vu Tom Holland. Je suis pas convaincu par Tom Holland. Je trouve qu'il a pas la carrière pour une comédie musicale. Ouais. Est-ce qu'il chante? Non. En vrai, si, il chante. Oh, après, ça s'apprend de chanter. T'as pas vu sur le son son truc avec Zendaya là, quand il a chanté. Après il est pauvre, il pue, bon, si c'est pas chanté, c'est vrai. Pas c'est pas grave. Pièce après. En vrai ça pète super drôle. Bah Tom Holland vas-y. Tom Holland. Et pour la princesse? Bah il faut une actrice pas super connue mais qui sait chanter. Genre c'est un bah, généralement c'est ça, genre les actrices de comédie musicale elles sont pas super connues, mais elles sont un peu belles, mais... un peu, mais ouais, pas mais du coup, je sais pas qui. Bah ouais du coup une actrice inconnue bah mais non mais genre pour une actrice pas super connue genre. Je sais pas, franchement j'ai aucune idée. Non mais celle qui joue c'est pas Cendrillon, je sais plus quoi. Non, le Snow White là. Camilla Cabello? Non. Lily James? Oui, voilà. Non mais attends, il y a une nouvelle version de Blanche-Neige qui va sortir en. Ah mais bah, c'est Rachel Zegler, mais c'est celle qui est dans West Side Story du coup. D'accord, Rachel Zegler, bah, et c'est Gal Gadot dans le rôle de la méchante. On prend elle, voilà. Très bien. Ok, donc, du c'est coup, validé. En père. Parce que le père, faut aussi qu'elle soit genre c'est un peu Gérard le. Depardieu. Non, c'est l'acteur, genre super bon oui. Cable qui fait plein de trucs à des Oscars et tout à son actif. Après, on a le casting. Genre Donald Sutherland, un truc comme ça. Je sais pas qui c'est. Ah, c'est oui, le mec qui joue le président Snow dans Hunger Games. Ah. J'ai pas vu. Mais quel film as-tu vu vraiment? Attends, t'es sur le crible ou on écrit les mêmes articles? On écrit les mêmes articles ou. Je sais pas, moi, je fais le podcast. Et bah écoutez, voilà. C'est. C'est un bon casting. C'est un bon casting. Un bon film. Et ouais. La sorcière, est-ce que c'est pas une actrice? Et le film, comment s'appelle-t-il? La princesse et le pauvre qui pue. Bah ouais. Moi je trouve que ça fait. Franchement, je trouve que c'est très beau. Bah oui. En plus, c'est assez attrayant en titre de podcast. Par contre, c'est vraiment les titres à rallonge. Genre, c'est la princesse et. Alors, c'est trois petites pointes, tu sais pas ce que c'est. Tu verrais le nom de l'épisode d'avant parce que vous l'avez vu, il est sorti il y a deux semaines, mais nous, il est pas encore sorti alors on enregistre. C'est The Untold Story of the War of the Emu. Ah oui, vous avez tout donc, donné, là, vraiment. On est dans le cliché du film historique, quoi. Donc, j'aurais peut-être renommé d'ici là pour voir si... on sait jamais. Bah, écoutez, merci à vous d'avoir été présent. Merci à toi. C'était très, à toi. Très marrant. Et, en effet. Et voilà, un petit mot de la fin, peut-être, je sais pas. J'ai hâte de voir ce film. Ouais, moi aussi. Ouais, s'il y a un distributeur qui nous écoute et qui veut nous acheter, franchement. en tant que personne. Acheter notre film, évidemment. Personne, On vend avec scénario. Voilà. Et bah évidemment, aller voir le crible. Même si Antonin n'écrit pas, du coup. Ouais, non. Ni Théophile, du coup. Bah non. Mais, bah non. Mais, et Théophile, si vous avez un poste d'alternance en graphisme. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas. Vous savez qui est contacté. Arrobase. Ah, j'ai mis mon Twitter en privé. Ah, mais non, mais sur Instagram. @the.ophile c'est O-P-H-I-L-E. Théophile avec oui, un point avec un entre le E et le O. The point ophile. Non. Si, c'est un peu marrant. Je refuse. Ok, bah écoutez, merci à tous et à la prochaine. À dans deux semaines. Au revoir. Salut. Ciao.